Bon, je vais tenir une promesse que j'ai faite au début de l'année. Je vais essayer donc de vous montrer qu'est-ce qui peut être desserré et comment de, disons, l'étau dogmatique de l'interprétation du cas de Schreber par Lacan, qui est bon, ce dans lequel plusieurs d'entre nous ont été baignés, sauf par le talon dès l'enfance, de nos carrières d'analystes, qui est un double paradigme, hein, c'est-à-dire qui consiste à faire à la fois du délire de Schreber quelque chose d'absolument exemplaire de la psychose, et je pense même de la psychose au singulier, de la psychose ou avec un P majuscule, tout ce que vous voulez, ce qui n'est pas absolument exclusif de la psychanalyse, hein, mais qui est, qu'on trouve aussi bien, par exemple, dans la psychiatrie de langue allemande ou la psychiatrie phénoménologique, par exemple. Bon. Et puis, paradigmatique également, au moins la théorie de Lacan, paradigmatique de la théorie psychanalytique de la psychose. Donc, c'est... Je vais faire plusieurs choses. Il va y avoir un retour... Un retour au point de départ du séminaire, c'est-à-dire à la mélancolie, et notamment à cette allégorie particulière que j'avais commentée au début du séminaire, au début de l'année, de The Altar of the Dead, hein, du personnage de Swanson dans la nouvelle Mary James. Puis ensuite, j'avais essayé de montrer une première direction dans laquelle on peut desserrer cet étau, qui est la traduction que j'avais faite là, du livre de Guissas, Les paradoxes du délire, dans lesquels, justement, il y avait une interprétation phénoménologique très sophistiquée, qui est Wittgensteinienne très sophistiquée, qui permettait, en gros, de sortir du paradigme paranoïaque de la construction du délire, c'est-à-dire de poser un autre type de question que la question que pose Lacan, qui est celle de la générativité du délire. C'est-à-dire la question de savoir comment le problème n'est pas la perte de la réalité, mais le problème est comment se produit ce qui vient remplacer la réalité qui est perdue. Ce qui a énormément intéressé Sass, et les tenants de la conception schizophrénique du délire de Schreber, c'est de montrer non pas le mode de fonctionnement des symptômes positifs, mais que les symptômes négatifs ne sont pas si négatifs que ça. C'était ça l'angle, l'approche de Sass. Et donc les dernières séances, je crois la dernière, consacrée à vous montrer que c'est pas du tout un collage ce que j'ai fait entre Sass et Lacan, puisque il y a un point dans l'arbre historiquement de ces conceptions de la psychose, il y a un point commun dans ça, c'est chez Merleau-Ponty la discussion dans la phénoménologie de la perception du statut du délire, où on voit très bien à la fois comment c'est précisément à ce texte-là que Lacan s'en prend quand il attaque la notion phénoménologique de Persikens, d'une part, et d'autre part, c'est le texte dont procède Sass, en prenant comme intuition de départ, comme fil conducteur, que le schizophrène, il a cette étrange particularité que n'aurait pas le paranoïaque, hein, justement, de ne pas agir en fonction de son délire. C'est-à-dire de pouvoir avoir cette espèce de double, de comptabilité en partie double, hein, comme j'ai traduit, de Doppelbuchführung, c'est le terme, je crois, de Bleuler, c'est le thème de Bleuler, qui est le. Voilà, c'est à la fois il est dans la réalité et complètement à côté de la réalité. C'est chez Merleau-Ponty comme chez Sass, c'est le point de départ de la difficulté. Alors, qu'est-ce que j'appelle un décalage ou une forme d'aération par rapport à la lecture de Lacan, qui est une lecture, notamment à cause de ses propriétés rhétoriques dans les écrits, hein, une lecture complètement saturante, hein, du cas de Kant Schreber, c'est-à-dire que non seulement on a l'impression que c'est très difficile à comprendre en soi, mais qu'en plus, ce que fait Lacan, c'est qu'il propose une machine de déchiffrement qui fait que, à partir de ce qu'il propose, vous pouvez presque ouvrir au hasard, moi c'est l'effet que ça m'a toujours fait ce texte, les mémoires du président Schreiber, et à partir de la machine qu'il propose, lire le mode de construction signifiant du délire du président Schreiber, même dans des tas d'endroits qui sont ceux dont ne parle pas Lacan. Et c'est ça qui fait ce que j'appelle une lecture extrêmement saturante, c'est cette capacité et qui a évidemment fasciné les cliniciens, puisque ça donne l'impression, et l'impression très souvent justifiée, hein, il ne faut surtout pas, même si ce que j'appelle desserrer les taux de l'interprétation de Lacan, ça ne veut pas du tout dire la critiquer ou la mettre à la poubelle, qui est vraiment, quand on comprend comment ça marche, on a une saisie parfois extrêmement profonde de ce que c'est que le délire dans une paranoïa. En tout cas, il y a des tas de paranoïas qui semblent vraiment être incroyablement affines à cette machine-là. Alors, pour desserrer ce truc-là, je voudrais faire deux choses, en fait. La première, c'est d'insister sur une dimension sur laquelle Lacan est totalement muet, alors que ça a suscité, notamment chez Canetti, Adorno, etc., enfin, dans la tradition littéraire de lecture du texte, toutes sortes de réflexions, c'est la dimension d'œuvre des mémoires. Parce que, pour la raison que j'expliquais tout à l'heure, le mode de construction de la lecture de Lacan consiste à traiter les mémoires comme une sorte de témoignage de discussion en première personne ou de l'intérieur de ce que sont les phénomènes du délire et de ce que c'est que d'être emporté dans ce dispositif-là. Il y a une autre lecture possible, qui est la lecture psychiatrique traditionnelle, en tout cas qui était très importante avant la guerre de 14 et dans la psychiatrie allemande, c'est que c'est autour du délire du président Schreiber que s'est construit une figure de la paranoïa qui est typique de l'école psychiatrique allemande, qui s'appelle le Querulenswahn, le délire de Querulenz, qui est un type de délire qui apparaît à la fin du 19e siècle, en Allemagne, hein, et qui est ensuite, bon, qu'on voit que les Français vont s'approprier, qui est le délire des paranoïaques qui portent plainte, vont au tribunal, sont capables d'argumenter de manière juridique, de manière extrêmement fouillée et serrée, et d'obtenir qu'on leur rende leur liberté, la gestion de leurs biens, etc., etc., et qui a été considéré comme vraiment, ça apparaît dans le compendium de Crépli, à un moment très précis, je crois que ça va être la 8e édition, le délire de Querulance, qui est un terme que, alors je le dis pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la psychiatrie, qui est un délire qu'on peut aujourd'hui tout à fait encore utiliser, qui caractérise ces paranoïaques extraordinaires qui m'avait montré une fois une lettre de quelqu'un qui écrit au Conseil d'État régulièrement, c'était quelqu'un du Conseil d'État qui m'avait montré ce courrier, et donc le type s'appelait Monsieur X, n'est-ce pas, et il y avait en tête Monsieur X, et il avait 6 cassations, 8 pourvois, 22 renvois. C'était comme ça. C'était... Et ce type, on pouvait effectivement considérer qu'il avait littéralement influé sur le droit administratif français par l'acharnement absolument dément que comme personne privée il avait, etc. Et d'après ce qui m'avait été rapporté, il avait coûté des fortunes, parce que c'est le genre de type qui refuse de payer, vous savez, une taxe pour l'enlèvement des ordures ou je ne sais quoi, etc. Et en réalité, s'il gagne, ça se traduit par les municipalités par des pertes de millions d'euros, parce que c'est évidemment la législation s'applique à tout le monde, etc. Le délire de Querulanz et le cas de Schreiber, le plaidoyer de Schreiber, qui a quand même, je vous rappelle, obtenu la main levée, il a pu gérer ses biens, etc., a fait un prototype. Donc c'est peut-être une œuvre, au sens d'une œuvre judiciaire. Là, la notion d'œuvre qui est développée, je la prendrai plutôt comme Daniel Devrez, là, le type extravagant dont j'ai parlé au début de l'année, mais dont le livre est plein d'aperçus géniaux, sur Schreiber, insiste beaucoup sur cette dimension, je m'appuierai beaucoup sur les données qu'il apporte et sur son raisonnement, sur son argument. Cette dimension d'œuvre est méconnue. Or, cette dimension d'œuvre, c'est par là que je boucle sur ce que je voulais dire sur l'autel des morts chez Henry James, cette dimension d'œuvre, je voudrais la rattacher à la création mélancolique, à l'idée que les mémoires du président Schreiber se comprennent bien si on en retrouve certains traits formels de la création mélancolique qu'est l'autel des morts. En particulier, la reconstitution d'une doublure du monde, dans lequel les investissements narcissiques mélancoliques sont restitués, moins, évidemment, le sujet. Comme ce que vous avez dans l'autel des morts, où, évidemment, tous les morts, c'est tous ceux qu'il a perdus, sont reconstitués. L'identification narcissique correspond à chacune des bougies dans l'autel qui est posé à l'extérieur. Et où ce qui est important, c'est pas tellement que l'autel soit à l'extérieur, donc fragilisé dans la réalité. C'est ça, je pense que c'est pas ça que James nous permet de penser. C'est qu'il y a un trait absolument fondamental, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait dans l'autel des morts une bougie pour un personnage qui est le double maléfique du héros, hein, de Stransom, son rival, et que au moment, hein, vous vous rappelez de la fin de la nouvelle, au moment justement où, dans cette espèce de malentendu très subtil, on allume une bougie qui pourrait être celle qui correspond à la perte de l'ami devenu ennemi, Stransom meurt. Donc ce sont des constructions qui sont très structurées autour d'une zone évidée centrale, mais qui, autour de cette zone évidée centrale, il y a toute une topologie où peuvent se disposer les identifications narcissiques qui assurent le maintien dans la vie, la communauté humaine, l'amour du mélancolique. Et ce que je voulais suggérer, c'est qu'une manière de comprendre le délire de Schreber, une manière non exactement lacanienne, mais un peu décalée, vous allez voir pourquoi, serait de le traiter comme une forme d'autel des morts. Et donc, de lui donner, de le lire comme un genre poétique particulier qu'on appelle le tombeau. Plus que des mémorabilia, hein, les Denkwürdigkeiten, hein, ou de la geste, etc., il y aurait une dimension comme ça de tombeau, comme vous avez le tombeau d'Edgar Poe chez Baudelaire, le tombeau de Verlaine chez Mallarmé, etc. Bon, c'est un genre très particulier, le tombeau, qui est, je relance cette chose que vous trouvez très couramment chez Lacan, n'est-ce pas, l'hystérie c'est les hiéroglyphes, la phobie c'est le blason, etc. Chaque fois, voilà, si la phobie c'est le blason, je crois que le délire mélancolique c'est le tombeau. C'est sous cette forme-là, et on peut penser quelque chose de cet ordre-là à partir de ses propriétés formelles. Si, alors je vais vous donner plusieurs arguments en faveur de la possibilité de penser l'objet, de manière non pas référentielle, non pas comme le témoignage sur un délire, mais comme une production particulière qui se termine tout de même par une victoire au tribunal, par la capacité pour Schreber de sortir et de retourner chez lui, je crois que ça doit être en 1901 à peu près, avec une situation relativement stabilisée, d'après le témoignage qu'on a, enfin bon, il était quand même encore assez halluciné, mais pas tant que ça, jusqu'à la crise ultime de 1907, 1908, 1910, et la mort de Schreber, dont je parlerai tout à l'heure. En tout cas, ce sera pour moi le moyen d'essayer de mettre un tout petit peu en question le noyau autour duquel Lacan reconstruit entièrement le cas, qui est la paire mort du sujet, transsexualisation. Mort du sujet, transsexualisation, qui est cette espèce d'articulation dans le schéma I, dans la dislocation du schéma L, qui envoie d'un côté P0, de l'autre Φ0, enfin toute cette topologie-là. Et l'argument tout simple que je propose, c'est un argument qui a été remarqué par plusieurs personnes, c'est que si vous faites le recensement de tous les passages de Schreber qui sont cités dans la question préliminaire, ils sont tous antérieurs aux épisodes du délire de Schreber, ils sont tous, pardon, extraits des épisodes du délire de Schreber antérieurs à 1896. Autrement dit, ça va jusqu'à le moment où, je crois, il fait le jeu de mots sur « Le soleil est une putain », qui est le point le plus en avant dans les mémoires sur lesquels s'appuie Lacan. Avec une certaine logique d'ailleurs, puisque au fond, ce qui lui importe, c'est de penser la générativité du délire. Et que c'est pas parce qu'il ne prélève pas d'événements dans le texte postérieur à 1896 que pour autant, nous, on ne peut pas lire des trucs qui sont vraiment beaucoup plus tardif, de 97, 98, etc., et ne pas reconnaître opératoire la même machine. Mais je dis, qu'est-ce qui se passe si vous prenez le délire, si dans sa composition synchronique, si vous le traitez comme une œuvre et pas comme un témoignage sur le développement et la génération successive, la prolifération du dispositif délirant. Qu'est-ce qui se passe? Et je conclurai là-dessus en tirant quelques indications de ce que je vous dis là pour la question que je posais cette année, à quoi reconnaît-on une psychose? Le but de desserrer, enfin de pas se donner une marge de manœuvre par rapport au traitement, à la question préliminaire, au traitement, à tout traitement possible de la psychose, le but étant de justement réengager la possibilité d'une discussion structurale de la psychose sur d'autres bases. Alors, tout d'abord, je commence. Il me semble que le point de vue qu'adopte Lacan quand il lit le délire de Schreber consiste à considérer que c'est un témoignage de première main, un témoignage par un sujet psychosé lui-même, en personne, sur les processus qu'il va traverser dans l'explosion délirante qu'il atteint. Pour traiter, pour accéder à la générativité du délire, il y a une opération absolument fondamentale chez Lacan. Et cette opération, c'est la mise hors jeu de ce que Schreber lui-même considère comme étant le principe de son délire, la cause de son délire, c'est-à-dire de traiter ce fameux Seelenmord, le meurtre d'âme, chez Schreber, de ne pas le traiter comme quelque chose qui a un sens et dont le sens explique et rationalise tout le développement de l'espèce de religion invraisemblable de Schreber, mais de le traiter comme un signifiant. Et comme un signifiant qui, selon le jeu de mots que Lacan va refaire, parce que je suis en train de relire le petit Hans dont j'ai la tête farcie du séminaire 4, un jeu de mots que Lacan refait l'année d'après, c'est pas que quand on le dit comme ça, c'est qu'un signifiant, c'est un signifiant. C'est un signifiant parce que ça n'est signifiant que si vous avez les autres signifiants par rapport auxquels le signifiant Seelenmord entre en relation, mais que ce n'est pas cette espèce de sens, ou que c'est qu'il y ait un sens délirant attaché à Seelenmord est un effet de la structuration du délire. Il faut, d'une certaine manière, prendre ce terme absolument étonnant, et enfin que Lacan considère comme étonnant, et que la plupart des gens considéraient comme très étonnant jusqu'aux travaux de Devreze, comme un néologisme, il faut le significantiser, pour le traiter comme un élément dans une combinatoire avec des permutations qui jouent les unes avec les autres. Et là, c'est précisément parce qu'il fait ça, d'une certaine manière, il stérilise, il significantise Seelenmord, qu'il peut ensuite disposer l'ensemble de la configuration délirante sur le fameux schéma L, dans lequel vous avez l'autre qui va se dédoubler sur l'axe imaginaire, les voix, les jeunes filles, les différentes zones d'exclusion, enfin toute la disposition topologique qui est mise en place dans le fameux schéma en Z, que vous connaissez, là, A, petit A, M, grand A, qui se retrouve mis en quelque sorte au service de l'explication du cas. Alors, ce qui va tout à fait dans le sens de cette manière de faire de Lacan, c'est justement, chose que je m'étais jamais aperçu, c'est en lisant le commentaire de Lacan sur le petit Hans que je m'en suis aperçu, c'est qu'il fait la même opération avec Pferd dans le commentaire du petit Hans, exactement la même. Ça consiste à prendre le truc dans lequel on a toujours été chercher des équivalences symboliques à la mort moelle, n'est-ce pas, le cheval, qui c'est le cas de dire d'ailleurs, le cheval qui fait avec sa moustache, etc. C'est de le traiter surtout pas comme une signification chevaline qui vient mordre tout ce qui se passe dans l'espace de la phobie, mais comme un signifiant obscur. Signifiant obscur qui vient là répondre à quelque chose de carent, qui est le défaut de mise en place par le père réel de la castration, et plus exactement d'ailleurs de la menace de castration, pas de la castration mais de la menace de castration. Et le signifiant phobique est vraiment traité comme un signifiant, ce qui fait qu'il est emporté dans des dérives complètement extravagantes, où tout d'un coup Lacan se met à prendre le Baedeker de Vienne, aller chercher pourquoi la petite voiture passe devant la gare par la gauche plutôt que par la droite, etc. On se demande au bout d'une heure si c'est pas un immense canular qu'on est en train de nous faire, tellement l'insistance à traiter le cheval comme quelque chose qui circule entre des lieux, des noms de lieux, etc., devient... Il n'y a plus rien d'un cheval. Bon. Donc cette mise hors jeu permet de dans le cas du petit Hans, comme dans le cas du président Schreber, cette mise hors jeu de ce qui est le noyau sémantique le plus sur lequel, d'étaler le cas sur la matrice A, grand A, S, A, A prime. Alors le coût de l'opération, c'est, sans tout à fait vraiment le dire comme ça, mais en même temps en le faisant, me semble-t-il, fonctionner comme ça, c'est de traiter Zelenmord comme un néologisme, c'est-à-dire comme étant lui-même un effet, un mirage signifié comme ça, bizarre, étrange. Et d'autant plus étrange que Lacan et tous les commentateurs de Lacan croient que Zelenmord, c'est un terme qui n'existe pas, qui n'est pas dans les dictionnaires, qui est une fabrication de Schreber. Alors, le fait que ce ne soit pas une fabrication de Schreber ne veut pas dire que ce n'est pas un néologisme. Je veux dire, il n'y a que vraiment les psychiatres les plus bourrins qui s'imaginent qu'un néologisme schizophrénique, c'est fondamentalement un mot valise comme, n'est-ce pas, les mots de Humpty Dumpty. N'importe quel mot peut avoir une fonction néologique, parce que c'est sa fonction structurale, le fait de signifier sa propre signification de manière perplexifiante et énigmatique, qui lui donne son poids dans la chaîne signifiante, dans l'orthodoxie lacanienne. C'est pas le fait qu'il appartient pas à la liste officielle des mots du dictionnaire du Scrabble. C'est pas comme ça que ça se décide, le néologisme en psychiatrie. Mais enfin, il y a plein de gens qui croient que c'est ça. Et effectivement, quand évidemment quelqu'un vous fait un mot valise schizophrénique complètement extraordinaire, vous dites c'est pathognomonique du trouble du langage dans la schizophrénie. Ça ne suffit pas. Ce que je propose de faire, c'est comme je fais souvent, de changer de cheval en cours de route et de regarder les choses d'un point de vue bionien. Qu'est-ce que c'est ce geste que fait Lacan en signifiantisant Zelenmord? Eh bien, c'est un fait choisi. C'est ça, un fait choisi bionien. C'est-à-dire, vous avez vous sélectionnez avec une intuition qui s'avère extrêmement payante dans la construction analytique, vous sélectionnez un fait choisi. Et sous ce rapport-là, alors effectivement, quelque chose comme une structure immanente se met à surgir et à éclairer des dimensions du délire que vous n'auriez jamais éclairées autrement. L'opération est extrêmement... judicieuse avec Zelenmord, elle ne l'est pas moins avec Pferd, puisque je vous rappelle que justement ça aboutit à ce truc qui est complètement saisissant dans le cas du petit Hans, c'est que du coup Lacan voit très très bien qu'en travaillant sur le cheval comme signifiant et non pas comme représentant de ceci ou de cela, il met le doigt sur un truc sur lequel personne n'avait mis le doigt avant, c'est la carence du père réel, du père du petit Hans. Il indique très bien qu'il n'y a pas de transfert. Pas de répétition, le petit Hans, c'est pas une analyse du gamin par son père. Et alors qu'il ne savait à l'époque qu'une seule chose, c'était que les parents avaient divorcé, il fait toutes sortes de spéculations sur ce que peut être le devenir d'un enfant phobique introduit à la phobie de cela. Or on sait, et ça il pouvait pas le savoir lui, et on le sait que par Kurt Eisler et par les entretiens avec le père et le fils, que toutes sortes de choses de la vie du petit Hans se sont trouvées ensuite de manière absolument stupéfiante, coïncider avec ce que Lacan raconte à ce moment-là. Alors, Ce que Daniel Devrez a apporté dans son étude, c'est que le terme, l'idée, le concept est un terme qui non seulement existe, mais est un terme absolument central de la discussion théologique luthérienne, en particulier critique luthérienne de la communion des catholiques, c'est pas qu'il se fait uniquement par l'hostie. Et Luther qualifie de meurtre d'âme le fait que les catholiques, à la différence de ce qui est explicitement indiqué dans l'Évangile, ne communient que sous une seule espèce, le pain, et pas le vin. Et pourquoi c'est un meurtre d'âme? Parce que c'est donner la chair, mais pas donner le sang. On donne la chair du Christ, mais pas le sang. Alors que vous regarderez dans l'Évangile, n'est-ce pas, la scène du Christ, à la fin, quand il parle. Il rompt le pain et il fait manger et boire, et il dit « Ceci est ma chair et mon sang ». Et il appelle Luther « meurtre d'âme », l'abomination de ce rituel catholique qui consiste à me donner, pour des raisons que j'ignore totalement d'ailleurs, j'en aperçois, la communion que sous une seule espèce. C'était d'ailleurs pas toujours le cas, et je me rappelle avoir vu des communions sous les deux espèces. Bon. Et puis, il y a un deuxième point sur lequel la notion de meurtre d'âme apparaît parfaitement, et qui ne pouvait pas être ignoré ni de Schreber, ni des magistrats qui lisent les Deng, Jürgen Spalten, de Heinz Nervenkranken. C'est ça, ouais. C'est le paragraphe 193 du Code pénal prussien, au moment de l'unification des systèmes judiciaires impériaux, dans lequel... quelque chose que nous appellerions aujourd'hui, et c'est aussi un concept intéressant parce que c'est un concept pour paranoïaque, l'intégrité psychique. Et définit l'intégrité psychique. Alors nous le définissons, l'intégrité psychique, c'est utilisé en droit pour deux motifs. C'est lutter contre les sectes, contre l'influence démoniaque des sectes, le concept d'intégrité psychique. Et de l'autre, c'est utilisé pour le harcèlement moral au travail. C'est un motif de plainte, c'est le harcèlement moral. Alors, ce qu'on appelle le meurtre d'âme, enfin, c'est d'après ce qu'il a découvert dans le Code pénal prussien de 1856, donc avant 1871, avant la proclamation de l'Empire, avant l'unification de l'Empire, et donc, même si c'est une structure fédérale, l'homogénéisation des différents systèmes de droit des cours locales de l'Allemagne de l'époque, hein, qui sont progressivement subjugués par la Prusse, c'est un dol contre l'esprit qui a cette particularité qu'il est commis par un médecin. Voilà, hein, ça ne peut être commis que par un médecin, c'est spécifique du médecin. Et il y a le moyen privilégié de ce dommage infligé à l'esprit commis par un médecin, c'est l'hypnose. C'est par l'hypnose. Ou bien par la destruction des facultés génératrices de la personne, une éviration, des muscles, une émasculation, etc. Ou bien la destruction de sa raison. Destruction de sa raison par un médecin. Bon, vous reconnaissez Flechsig et vous reconnaissez qu'en fait c'est ce que dit Schreber. Et que donc ce qui nous paraît si éminemment délirant dans les premières sections, etc., en réalité le magistrat qui a lu les mémoires, il dit bon, voilà, où est-ce que ça commence la folie? Et il a tourné la page. Parce que tout ça, aucun magistrat n'allait s'arrêter sur un truc que tout le monde sait, qui est un des ressorts semble-t-il classique, du Kerulensfan, hein, du délire des gens qui protestent contre leur enfermement, « je suis saint d'esprit », etc. Bon. Alors, que le terme existe et fasse coïncider les axes du délire, hein, la destruction des capacités génératrices, la destruction de la raison, l'effet de l'hypnose, y a eu toute une querelle sur les effets de l'hypnose. On a beaucoup travaillé, Schrenck-Nozick, à l'époque, qui était à la fois psychiatre et professeur de droit, avait publié des travaux très importants, parce que c'est la question de savoir si on peut faire commettre des crimes aux gens en les hypnotisant. Il y a dans un vieux numéro de Frénésie, il y a un très bel article de Régine Plat qui raconte comment les cours allemandes, anglaises, françaises ont traité cette question de savoir si on peut hypnotiser quelqu'un pour lui faire commettre un crime et si la personne est responsable ou pas. Mais il y a tout un volet de cette querelle de l'hypnose qui n'a pas été bien explorée, à mon avis. Enfin, je ne connais pas de littérature précise là-dessus. C'est la question de savoir si l'hypnose peut constituer un dommage médical où on fait perdre la raison à quelqu'un, où on l'abîme en tant qu'esprit. Pas où on lui fait faire des choses qui sont illégales, mais où on l'abîme en tant qu'esprit. Je ne sais pas si dans le contexte des lois sur la psychothérapie, il faudrait se lancer dans une recherche comme ça. Mais enfin, bon, je signale que c'est un truc qu'il faut mettre. Alors, le problème que rencontre tout de suite Daniel de Vraise, c'est qu'une fois qu'il a mis au jour que Zélène Morde ne peut être signifiantisée à la Lacan, si on veut, mais à condition de voir ce qu'on perd si on fait cette opération, ce qui est perdu, de bien voir ce qui est perdu, c'est que ça le conduit ensuite à procéder avec ce que j'appellerais un faux structuralisme. Un faux structuralisme qui est plus ou moins inspiré des mythèmes lévi-straussiens, c'est-à-dire qui fait jouer à Zélène Morde un rôle dans une économie extrêmement complexe de permutation, d'association, de métaphores et de métonymie, où la dimension du sens, ce que ça veut dire, est utilisé, et pas simplement le son du mot, la littéralité de Zélène Morde. Je crois que Lacan, lui, au contraire, insiste beaucoup sur le rapport entre les lacs, c'est en allemand, mais il dit que c'est beaucoup plus près de l'idée des lacs que de quoi que ce soit qui est réalisé avec l'âme. Tandis que de Vraise, oui, il travaille sur les deux aspects, signifiant et signifié, comme les mythèmes lévi-straussiens, ce qui permet, vous savez, dans les mythèmes lévi-straussiens, on a l'impression que du coup, sans qu'on arrive très bien à comprendre si c'est falsifiable ou pas, hein, dans les mythologies de Lévi-Strauss, tous les mythes de l'Amazone se mettent comme ça, hein, les uns avec les autres, à dégager des propriétés formelles qui les font ressembler aux mythes de la colonie britannique, mais par inversion, symétrie et tout. Bon, alors il travaille comme ça. Lacan, en un sens aussi, hein, dans l'idée de mythe individuel du névrosé, qu'il applique aussi bien au cas Hans qu'au cas d'Ernst Lanzer, de l'obsessionnel qui est l'homme au rat, sans travailler, mais il met beaucoup plus l'accent sur la dimension signifiante du mythème. Il n'utilise pas Lacan, à ma connaissance, quand il parle de mythème, la phase de signifier. Il la disqualifie toujours en la faisant dépendre de la formalisation signifiante. Et quel est le résultat de l'opération de Daniel de Vraise? Ben c'est ce que j'avais dit au début de l'année. Ça consiste à dire la langue et la culture allemande sont un immense délire. Parce qu'en fait, quand vous rentrez dans le délire de Schreber sur ce mode-là, par permutation et substitution, mais tout ce que raconte Schreber, eh bien, si vous cherchez assez, vous allez trouver quelque chose qui s'en rapproche très bien. Vous allez trouver du Luther, du Wagner, des poèmes perdus, les cours du professeur de droit de Schreber lui-même, dans lequel on extrait tel et tel document, et voilà, tout d'un coup, tout se met à rayonner. Et toute la culture et la langue allemande entrent en tension. Et tout fait sens le long des axes d'expansion du meurtre d'âme, qui sont des signifiants, en un sens lévi-straussiens, n'est-ce pas ? Mais effectivement, tout se met à faire sens. Ce qui aboutit à ce résultat que j'avais indiqué au début de l'année, c'est que de Vraise délire avec le délire. Délire avec le délire. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il prolonge, hein, c'est une interprétation qui prolonge le délire en produisant des substitutions ou des métaphores qui font qu'au fond, ce n'est pas une explication ou une contextualisation, ce n'est pas une justification. Même pas du délire, c'est une extension du délire de Schreber. Pardon ? Note de bas de page qui prend un petit peu, si vous voulez, comme chez Bion, rêve avec le rêve, et également, au fond, avec la même objection que celle qui avait été faite par les anaphrodiens à Mélanie Klein, hein, c'est que on fantasme avec les fantasmes. C'est-à-dire que quand il y a des fantasmes, chez. Les fantasmes servent à expliquer les fantasmes, n'est-ce pas ? Pourquoi le gamin, il fait ce cauchemar la nuit, ah ben c'est parce qu'il a vu le phallus de son père dévorer les excréments de sa mère dans l'intérieur du ventre de la cousine, etc., où il y a une dispute des parents conjugués, enfin, bref, quelque chose, une espèce d'imaginaire, d'hyper-imaginaire, est mobilisé pour expliquer les fantasmes à l'intérieur de la cure. Vous voyez ? Donc les freudiens orthodoxes disaient qu'on doit expliquer le fantasme, mais pas avec du fantasme. C'est avec quelque chose d'autre que du fantasme. Or là, on a l'impression d'arriver à une situation de ce genre. Tout est justifiable, tout fait sens. Le pôle opposé de la lecture de Desvraises, c'est Anne Israël. Anne Israël, lui, il est allé vérifier chacune des choses, n'est-ce pas ? Est-ce que vraiment... la femme de Schreiber lui avait porté des chocolats le 11 avril 1891, et est-ce que, etc., est-ce que le père était si méchant que ça, est-ce que, où sont les documents, et donc lui, par un effet de ratiboisage strictement inverse, n'est-ce pas, de resserrage du mais d'où sait-on, etc., il vient, en quelque sorte, assécher un petit peu la spéculation dans l'autre sens. Alors, c'est une manière de faire. La manière vraiment structuraliste de faire, elle est très différente. Elle est aussi bien dans le cas de Chabert que dans la lecture du petit Hans, que Lacan commence l'année d'après. Elle est d'essayer justement de cerner l'impossible, qui est ce autour de quoi tourne cette espèce de système de permutation permanent. C'est impossible, c'est quelque chose comme une jouissance. Et une jouissance qui doit être d'une certaine manière répartie, divisée, arrêtée, endiguée, castrée, limitée, tout ce que vous voudrez. Ça procède d'une vraie lecture fine de Lévi-Strauss. Si, alors je ne suis pas venu avec, mais vous le trouverez sans mal au début du Miel et la Cendre, dans les mythologiques, il y a l'évocation d'un objet qui est le miel amazonien. Le miel amazonien, un de mes élèves, il y a 20 ans de ça, m'en a apporté on en a très très peu, hein. C'était le volume d'un demi, une petite fiole comme ça, de rien du tout. Le miel amazonien est produit par des abeilles qui ont une particularité, c'est qu'elles sont carnivores. Elles vivent des charognes, de décomposition. Et le miel qu'elles fabriquent pour leurs larves est quelque chose qu'on ne peut pas consommer pur. On ne peut que le diluer dans l'eau. Tellement la violence des arômes qui sont concentrés dans cette substance est inouïe. Et donc les Indiens dissolvent une très petite quantité de ce miel des abeilles dans de l'eau pour faire des boissons qui sont ensuite fermentées. Et quand on le pose sur sa langue, eh bien, Lévi-Strauss décrit de manière absolument admirable l'explosion des qualités sensorielles de l'univers de la forêt amazonienne. C'est-à-dire que ça sent la fleur, le brûlé, la viande, le tarot, le sable, le poisson. Vous avez l'impression que tous vos organes, toutes les stimulations sensorielles que vous donne ce miel, en quelque sorte, ont compacté avec une intensité extraordinaire toutes les résonances gustative, olfactive, que vous pouvez trouver dans la forêt, et sauf évidemment le chant des oiseaux, mais on peut rêver. Alors évidemment, c'est tout à fait explicitement rapporté dans les mythes amazoniens, à la jouissance sexuelle, à les choses, et donc du miel aux cendres, c'est tout le parcours de décomposition de ces qualités sensibles, dans un système qui consiste à en prendre certains, les opposer à d'autres, dans des systèmes de plus en plus déboîtés, hiérarchisés, etc. Et toutes les histoires mythiques permettent d'articuler ensemble ce qu'on sent du monde et qu'est-ce que le monde donne à jouir autour de cet objet miel qui présente dans le réel, archi-concentré, la totalité des figures de l'homme. Bon, ce qui est extrêmement intéressant dans cette approche de Jean, c'est que vous voyez qu'il y a un truc impossible qui est la raison d'être du déploiement du système des oppositions. C'est pas quelque chose que vous étendez librement en faisant des métaphores, des ressemblances, etc., et pas par une sorte d'expansion. C'est au contraire la tentative de détecter dans le système des oppositions autour de quoi ça coince, et quel est l'objet qui est sur lequel vient se focaliser en dernier ressort, si vous voulez, l'intraitable, l'indicible, l'impensable, et qui fait que parce que c'est indicible, impensable, intraitable, eh ben il faut déployer toutes sortes de mythes dont les contradictions et les articulations contradictoires rendent l'expérience centrale essentielle. La jouissance, dans sa contradiction fondamentale, la jouissance de la vie, qui va du cri d'agonie au cri d'orgasme, du cri de naissance, etc., au cri de douleur, si vous voulez, c'est la compacte, et en particulier avec cette prévalence chez nous de la voix, sur l'oralité, à la différence du lien amazonien, compacte des choses de ce genre. C'est vraiment étroitement lié chez nous à la jouissance de la vie, c'est il y a quelque chose de l'ordre du cri qui est associé d'une manière du cri muet, dans lequel sont enveloppées toutes les significations, les plus contradictoires et les plus pathétiques, celles qui se font sentir, et qui, par rapport auxquelles le système signifiant est censé s'articuler, dans la présentation que Lacan nous en donne. Et donc, ce que Lacan, à partir de ça, veut faire, c'est qu'au lieu d'avoir cette espèce d'expansion à la Devrèze, n'est-ce pas, où on délire avec le délire et on ne sait plus justement où est la limite entre le délire et la culture, tellement ça s'interpénètre de partout par le processus de l'interprétation, de resserrer la chose sur un noyau où c'est le traitement de cet impossible qui est en jeu. Et donc, c'est pas la langue qui est délirante, c'est le sujet forclos qui fait retour dans cette signifiance imaginarisée et qui déploie sa difficulté radicale. Alors, c'est là où vous comprenez un peu pourquoi j'appelle ça un fait choisi selon Bion. C'est que c'est très exactement ça, un fait choisi. C'est-à-dire, c'est de cerner la difficulté absolument radicale. D'attraper, d'intuiter le point de difficulté radicale, le point d'impossible. Et si je l'appelle fait choisi, c'est pour préparer le moment où tout à l'heure, j'essaierai de vous dire, ben voilà, nous comprenons comment fait Lacan ici. Nous comprenons aussi à quel prix, par cette opération de signifiantisation de Zehlenbord. Et donc aussi, peut-être que se dessine, même si on ne sait pas quelles sont les alternatives, l'idée qu'il y a un espace de choix. C'est que ce n'est pas complètement fermé là-dessus. La même méthode s'applique chez Hans, n'est-ce pas ? Puisque on n'explique pas la phobie de Hans, on déplie en quoi cette phobie-là pose ce problème-là à cet enfant-là. C'est totalement différent de ce que prétend faire Freud, qui explique la psychogénèse de la phobie par l'Œdipe de la difficulté œdipienne résolue de l'enfant par la bienveillante analyse de son papa. Ça, c'est ce que raconte Freud. Ce que Lacan, lui, met en évidence, c'est d'abord, il montre très bien que la phobie, elle se résout, mais elle ne se résout pas par les voies du complexe de castration. Chez Hans, vous vous rappelez, moi j'épouserai maman, alors on se dit, ah voilà, ça y est, Oedipe, et toi tu épouseras ta mère. Alors ça, c'était pas prévu au programme. Vous voyez, il y a une sorte de... C'est pas dans l'Œdipe, ce que dit à la fin Euclide. Toi, tu épouses maman. Non, moi, j'épouse maman, et toi, toi, t'épouseras Mamie. C'est-à-dire qu'en fait, on reste tout à fait dans une sorte de chose qui ressemble à l'Œdipe, à la fin du Œdipe, mais en fait, qui est complètement décalé, qui n'est pas un Œdipe, qui est une sorte de clivage imaginaire des deux plans. Chacun partage son truc, avec comme effet que calcule d'ailleurs Lacan. C'est pour ça que je trouve ça très, très puissant comme idée, c'est que le gamin, il passera sa vie à idéaliser son père et il n'aura jamais accès à des femmes qui sont autre chose que des femmes phalliques que son père peut avoir désirées. Or, c'est on peut assez facilement, c'est même complètement effrayant, regarder la vie d'Herbert Graf et se dire que c'est ce qui s'est passé. La vitalisation du père, épouser deux femmes, deux chanteuses lyriques exactement comme son père, etc. Alors, ce qui me paraît très, très profond, c'est que ça, ça change, ça vous montre que le chez Lacan, c'est pas un truc qui s'applique qu'au cas Chabert. C'est une méthode qui déjà transforme complètement la compréhension de ce que c'est que les termes signifiants dans le délire du président Chabert. Parce qu'il n'est plus en train de faire la psychogénèse du président Chabert, ou d'expliquer comment on devient psychotique. Il est en train, là encore, d'expliquer pourquoi cette psychose-là pose ce problème-là à ce sujet-là. C'est tout à fait différent que de raconter la cause générale de l'émergence d'une paranoïa chez quelqu'un dont l'homosexualité refoulée intraitable est gérée sur le mode de la projection. C'est pas du tout dans le même registre. C'est beaucoup plus singularisant, c'est beaucoup plus unique. Et donc, ça pose le problème de savoir si le cas Chabert est si exportable que ça. Deuxième entrée problématique, c'est le problème du statut référentiel du livre, du texte qu'a livré Chabert et de son statut d'œuvre. Alors je crois qu'Octave Manoli a fait une remarque tout à fait juste sur ce texte. Est-ce que c'est la mémoire que Chabert a de son délire, ou bien est-ce que c'est un délire de la mémoire, c'est-à-dire un effet délirant actuel qui lui fait penser que telle et telle chose se sont passées, alors que c'est ce passé, ou la façon dont il reconstitue le passé et l'histoire délirante qui est la sienne, ne sont que des manifestations de son délire présent. Alors, il y a une réponse fastoche qui consiste à dire « Ah, mais avec Lacan, on a résolu le problème, puisque tout ça, c'est des signifiants. » Et c'est-à-dire qu'en réalité, on s'en fiche que ce soit un délire de la mémoire ou une mémoire du délire, puisque de toute façon, c'est juste la structuration signifiante qui nous intéresse. Pourquoi c'est fastoche et pourquoi je ne veux pas de cette solution? C'est parce que ça permet de se servir librement dans le texte de Chabert, et que tantôt, n'est-ce pas, on élève à la fonction de signifiant tel terme qui joue dans une batterie, etc. Tantôt, au contraire, on dit « Ah mais oui, vous voyez bien que les effets de ce signifiant, c'est tel et tel événement, parce que tel autre événement, lui, il est désigné comme quelque chose qui est dans la réalité. » Et puis si ça vous ennuie, ben, vous faites l'inverse, hein, c'est-à-dire que l'événement, lui, ne devient plus qu'une espèce de matrice signifiant, et vous vérifiez les effets de la modification symbolique à un autre endroit, en traitant comme une réalité décrite tel autre passage du texte. Donc c'est très commode, hein, ça permet, d'ailleurs c'est une des raisons de la prolifération insensée des commentaires de Chabert, n'est-ce pas ? C'est que tout le monde peut y aller de la significantisation de tel ou tel passage en disant « Ah oui, mais tel autre événement, lui, est dans la réalité et montre bien l'effet du signifiant. » Le problème, quand on procède comme ça, c'est le critère. Parce que quand vous le faites de manière géniale avec seulement Zellenmord et que vous dépliez tout, là, on voit que vous êtes tombé sur quelque chose, ça valait le coup de le signifiantiser. Si vous prenez n'importe quoi d'autre, il n'est pas du tout évident que vous allez avoir la même pertinence ou la même clarification dans votre construction. Quelque chose du problème que ça pose vient du rapport avec le rêve. C'est toujours une question de savoir si quand vous racontez un rêve, en analyse, ce qui compte, c'est ce que vous dites actuellement de ce que vous avez rêvé, ou bien si ce que vous dites, c'est le récit de ce qui s'est associé pendant le rêve. Puisque, au fond, on parle du souvenir qu'on a de ses rêves, mais Freud est formel. Les associations qui viennent sur le rêve peuvent être tout aussi importantes que celles qui viennent du rêve. C'est pas du tout, elles sont absolument pas d'un statut inférieur, tout simplement parce qu'elles sont, c'est le même complexe associatif qui est mis en branle par le transfert et qui, dans le rêve, culminait sur la question ombilique du rêve. pour ça que chez bonne orthodoxie lacanienne, l'ombilique du rêve, c'est le trou que fait le grand autre dans le sujet. Enfin, vous avez sûrement vu des dessins comme ça, il y en a plein dans les revues. Alors, le point qui me paraît intéressant, c'est de rappeler ce détail que dit Freud, c'est que vous n'avez pas besoin de vous rappeler ce que vous avez rêvé, vous pouvez juste vous rappeler que vous avez rêvé. Et si on vous fait associer sur le souvenir que vous avez rêvé, psychanalytiquement, pas psychologiquement, hein, mais psychanalytiquement, c'est le même complexe qui est mobilisé transférentiellement. Et donc, quand on s'allonge sur le divan, on dit « j'ai rêvé, mais j'ai oublié quoi ?» L'analyste n'a pas besoin de dire « ah, faites un effort quand même, mince on n'a pas 5 minutes à 3 quarts d'heure, ça dépend. Hein. Hein, bon, faites un effort. Non, il n'y a pas besoin, n'est-ce pas, de la dimension du fait un effort. Hein, c'est-à-dire que ce qui est le simple fait d'être mis en tension transférentiellement suffit. Alors, le délire fonctionne-t-il de la même manière? Vous savez que chez Freud, il y a vraiment une insistance hein, pour dire que délire et rêve. Bon, au moment où il travaille sur Schreber, il y a le délire et rêve dans la Gradiva de Jensen, etc. Lorsqu'un délirant vous dit « Je me souviens que dans mon délire, je croyais que... » Juste avant qu'on leur permette de sortir, parce que ça, c'est le sésame, hein, sortir. Enfin bon, dans les mauvais services. Hein. Si ce délire est un vrai délire psychotique, si ça n'est pas un onirisme toxique, par exemple, ou bien une illusion, ce qui se présente là comme une critique ou un discours sur le délire ou une critique du délire, c'est le délire sous forme de critique. Pour un analyste, vous voyez, quelqu'un qui n'existe pas de critique du délire, il existe juste des délires à forme critique. Pourquoi ? Mais ça, c'est absolument essentiel. C'est parce que c'est ce qui différencie le délire du rêve. C'est ce qui différencie le délire en ce sens très exact, c'est que vous ne pouvez pas parler du délire que vous avez déliré comme du rêve que vous avez rêvé. Le délire qu'on a déliré, on ne peut pas en parler. Voilà. Si on peut en parler comme ça, et bien vous verrez tout de suite que c'est un onirisme. C'est un onirisme toxique. Je me rappelle très bien, comme ça, avoir une fois inhalé du monoxyde de carbone. C'est une expérience absolument détestable. Le monoxyde de carbone, ça vous tue. Ça produit par quand on ne meurt pas, ce qui semble-t-il en tout cas, ça produit des effets totalement invraisemblables de perception de l'espace. Je me rappelle de savoir que j'étais parfaitement lucide, je savais que j'étais en train de mourir, qu'il fallait absolument sortir, qu'il fallait se m'ouvrir la fenêtre. Le problème, c'est que vous êtes devant un mur et que vous cherchez comment on fait, où est-ce qu'il y a une porte et comment on fait avec une porte et une fenêtre, qu'est-ce qu'on fait en fait avec une porte et une fenêtre. Comment on fait ça ? Vous savez qu'il faut sortir, toutes les capacités cognitives sont présentes, mais vous ne pouvez pas vous mettre dehors. Vous ne trouvez pas le chemin pour ouvrir la fenêtre voilà, alors que la porte est devant vous. C'est un effet. La désorientation spatio-temporelle, c'est extrêmement désagréable comme sentiment. Non, mais. Et ça, je peux vous en parler, vous voyez ? On voit très très bien que c'est pas comme si j'étais en train de vous dire « Ah oui, j'ai cru que la Vierge Marie m'était apparue sur un nuage, etc. » Ou là, le type qui vous dit « Je crois que », il délire, mais c'est un délire à forme critique. C'est pas du tout, ça n'a pas du tout la même qualité que les choses. Alors, ça c'est le premier point sur lequel je voulais insister, c'est que celui qui critique un délire, son délire, comme Schreber, qui est capable de tenir un discours sur son délire, certainement il redevient semblable. On partage la même réalité. Il vous dit « moi je croyais que ». Mais pour autant, il ne devient pas un interlocuteur. C'est pas du tout quelqu'un, un sujet qu'on puisse interroger sur les causes de son état. En particulier, ce qui échappe totalement à la différence du rêve, c'est qu'on ne peut pas l'interroger sur le désir en cause, comme on interroge un névrosé sur le désir en cause dans son rêve. Ce n'est pas du tout de la même texture. Et là, le seuil, mais l'apparence d'autocritique ne rend plus du tout le même sens. Deuxième élément qui est très important pour percevoir comment Schreber habite et sujet et s'efforce de se faire le sujet non pas à son délire mais de son délire, c'est l'articulation du jeu avec le rêve, du sujet avec le rêve. Alors c'est quelque chose qui est tellement profondément cousu à l'intérieur de la texture du langage et de la culture conceptuelle, hein, de la rationalité classique, si vous voulez, que je vous renverrai, si vous l'avez jamais lu, offrez-vous ce plaisir, ne lisez pas les Méditations métaphysiques, qui sont un texte complètement rébarbatif, lisez le discours de la méthode de Descartes, qui est le truc qui a rendu Descartes célèbre chez les gens normaux, hein, les gens qui achetaient des livres, comme ça. Son Méditation métaphysique, c'est vraiment un texte de discussion d'école. C'est vraiment un texte pour la Sorbonne. C'est celui où il y a, qui est vraiment le texte où vous voyez Descartes briser en deux son époque, c'est le discours de la méthode. C'est les discours de... c'est pas du tout écrit de la même manière, c'est beaucoup plus vivant. Et bien, dans le premier discours, le fameux discours sur le rêve, hein, vous avez ce fameux argument de Descartes, je rêve, hein, tout est fiction, n'est-ce pas, je rêve, que je suis en train de faire un exposé sur Descartes et sur le cogito de Descartes, vous n'êtes que des créatures du rêve, même si vous me dites mais non, tu ne rêves pas, je peux rêver que vous me dites mais non, tu ne rêves pas, etc., etc. Or, je pense que je rêve, ça va encore, hein. Or, je suis certain que je pense, même si je rêve. Et dernier temps du raisonnement, j'existe pensant, hein, existo sum, je suis, hein, et je ne rêve pas. Ça, que j'existe pensant, je ne rêve pas. Vous passez ainsi du tout est fiction, hein, tout est rêve, je rêve, je crois que je rêve, je crois que je me fais une démonstration de n'importe quoi, mais c'est je rêve que je me fais la démonstration, etc. Or, quand je rêve, en fait, je pense que je rêve. Rêver, c'est penser qu'on rêve. Je suis certain que je pense. Que je rêve ou que je ne rêve pas, vous voyez, c'est par là que ça s'introduit. Je suis certain que je pense. Que ce soit du rêve ou pas, je suis certain que je pense. Et donc, j'existe pensant. Et là, vous pouvez continuer. Je ne rêve pas. Ça, au moins, c'est réel. J'existe pensant. Descartes. Et vous avez passé du tout est fiction à au moins ça c'est réel. Et au moins ça c'est réel, c'est quoi? C'est le cogito. Donc cet argument qui est un argument, hein, qui est à la fois un argument et un jeu de représentation sur l'illusion comique de Corneille, le baroque, etc. Mais alors, mais c'est beaucoup plus tardif chez Pessoa, il le reprend, mais après. Tandis que là, c'est vraiment complètement la culture de l'époque, c'est Corneille, quoi. C'est l'illusion comique, théâtre dans le théâtre, Lope de Vega, etc. Wittgenstein a fait une remarque tout à fait juste là-dessus. Certainement vous êtes certain, oui. Vous êtes absolument certain que vous êtes, oui, ça fait partie du rêve. C'est un rêve de certitude. C'est qu'à partir du moment où vous mettez, vous restez comme fait remarquer Wittgenstein, n'est-ce pas ? Dès que vous prédiquez l'ensemble du truc par je rêve, vous ne pouvez pas sortir du je rêve. C'est-à-dire que tout ce que vous continuez grammaticalement est sous la dépendance du je rêve. Donc vous rêvez que vous êtes certain d'avoir démontré que vous existez à l'intérieur du rêve. C'est-à-dire que la certitude que vous obtenez, c'est pas une certitude hors du rêve qui peut porter sur le rêve. C'est une certitude dans le rêve, c'est un rêve de certitude. C'est la raison pour laquelle Wittgenstein, qui s'en prend dans de la certitude, donc à toutes les figures du sophisme, du cogito cartésien et de la théorie, un des derniers textes de Wittgenstein, s'arme de cette notion pour dire... que le point d'émergence du solipsisme, de la certitude d'être soi-même pensant, a besoin de cette espèce de transformation de l'univers en fiction, suspendue à mes représentations tout autour de moi, et que il se fait à lui-même cette remarque que c'est pas parce que moi je peux dire que c'est un rêve de certitude et non pas une certitude que celui qui a ce rêve de certitude peut découvrir qu'il a un rêve de certitude et non une certitude. Et que donc on est obligé d'en passer par la médiation du langage entier comme autre, pour pouvoir détecter cette espèce de nouage profond entre l'affirmation solipsiste et la fictionnalisation de l'univers. Ce qui veut dire, alors je fais la bascule parce que c'est Sass qui le fait dans son livre à propos de Schreber, hein, c'est que ce que fait Schreber, c'est tenter de s'assurer de soi comme sujet, mais non pas comme sujet au délire, mais comme sujet du délire. Mais même cette opération-là, s'assumer comme sujet du délire, ne devrait pouvoir en réalité que montrer une nouvelle version de la manière dont vous êtes sujet au délire. C'est que vous croyez que vous êtes l'auteur de votre délire. Et c'est tout aussi délirant. Et tout aussi indémontrable pour celui qui est dans le délire. La certitude que je suis le sujet de mon délire est une des formes sous lesquelles je suis sujet au délire. Vous voyez comment je pousse au bout la critique classique de la critique du délire. Hein. Il n'y a pas de critique du délire, il y a un délire à forme critique. Il y a un délire d'autocritique du délire. Je le pousse au bout en le faisant, en le radicalisant pour vous montrer qu'il n'y a justement pas du tout moyen de passer, de sortir du délire pour devenir le sujet de son délire. C'est à l'intérieur du délire que les choses se produisent. Conséquence extrêmement importante, ça n'empêche pas quelqu'un comme Schreber de parler de son délire et d'être auteur des mémoires et d'une œuvre qui montre, n'est-ce pas, l'impossible auquel il a affaire, impossible auquel il répond par la production en ce lieu d'impossible de son œuvre elle-même, de ses mémoires comme objet qui vient occuper très précisément cette difficulté ultime de subjectivation. Alors, c'est pour ça que Blanchot, repris par Foucault, parle de la folie comme absence d'œuvre. C'est que ce qui fait le truc le plus troublant, c'est qu'évidemment, quelqu'un qui est sino psychotique à l'hôpital ou en cure, n'est-ce pas, était capable d'écrire les mémoires, etc., nous considérerions tout ça comme un très grand succès. Parce qu'au fond, par le biais de cette espèce de suturation étrange qu'est l'écriture d'un document qui va être reconnu par autrui comme une valeur judiciaire, comme des arguments qui sont vraiment opposés au docteur Weber, à l'expert qui veut coffrer jusqu'à la fin de ses jours le pauvre Schreber, l'éminent docteur Weber, comme dit Schreber, Schreber argumente et lui donne tort, et convainc un magistrat que l'expert psychiatre a tort. Si nos psychotiques étaient capables de construire leur dispositif délirant sur ce mode-là, vous voyez bien qu'on aurait beaucoup de mal à ne pas considérer que c'est thérapeutique, hein, c'est thérapeutique. On a un succès thérapeutique si on fait un truc comme ça. Alors, de quoi est-il l'auteur ? Eh bien, ce que je vous propose, c'est de prendre l'ensemble du texte et puis de vous demander si, au fond, s'il n'a pas construit une sorte d'hôtel des morts. C'est un monument de l'humanité à conserver. Et c'est que toutes les figures narcissiques, identificatoires, de l'humanité, du monde, de ce qui existe, de ce qui vaut, de ce qui a une couleur, une consistance, que ce soit les phénomènes du corps, tous les êtres humains autour de lui, les animaux, les plantes, l'histoire de la musique, tout ce que vous voulez, est conservé, littéralement conservé, dans cette espèce de magnifique hôtel des morts, hôtel des objets morts, où tout est remis à sa place dans un dispositif délirant, qui est le tombeau de Schreber, qui est un tombeau de l'humanité auquel Schreber se rattache. Ce qui donne sa couleur la plus douloureuse au problème du chapitre supprimé, c'est-à-dire que celui qu'on lui a interdit de publier, le fameux chapitre, je crois que c'est la section 3, parce que la famille, les cheveux sont dressés sur la tête quand ils ont lu le manuscrit, parce qu'à mon avis, il devait raconter des tas de choses sur sa femme ou des choses comme ça qui ne devaient pas se raconter, c'est quand même l'endroit du texte où étaient ses plus proches. C'est ses plus proches qui ont exigé que le texte, oui, puisse paraître, moins la section dans laquelle il avait parlé de ses proches, et qui était certainement ce qui ressemble le plus à ce que vous avez dans la nouvelle d'Henry James, c'est-à-dire les évocations, les symbolisations, les projections narcissiques, tout le travail identificatoire avec ses, qui devait être d'une certaine richesse, hein, on peut supposer, sur les proches, sur ceux qui sont subjectivement importants. Et d'où le mouvement héroïque de Schreber, hein. Le mouvement héroïque de Schreber, on pourrait le formuler de cette manière-là, voilà ce que je crois, voilà ce que je crois qu'il me sera arrivé. C'est-à-dire au moment où je tourne la page, où je traite au futur antérieur, voilà ce qui me sera arrivé. Une fois que j'aurai exposé, non pas ce qui m'est arrivé, mais ce qui me sera arrivé. Il y a vraiment un mouvement, lisez ces mémoires comme ça, il se situe dans son point de vue narratif comme quelqu'un qui tourne la page au moment même où il la compose. Voilà tout ce par quoi je suis passé, et tout ce qui s'est passé dans mon ventre, et tous les fils qui en sont sortis, et tous les dispositifs, etc. Tout ça est écrit d'une position de futur antérieur, avec ce paradoxe, qui est évidemment celui qui rend le texte complètement fou, c'est que pour écrire quelque chose au futur antérieur, pour dire « je ne suis pas fou, je suis juste malade des nerfs », ce qui est quand même le cas de le dire, eh bien il faut que tout soit arrivé. Tout ça me sera arrivé, oui. Mais c'est une conséquence analytique de la phrase « tout ça me sera arrivé » que tout ça m'est arrivé. C'est-à-dire que vous pouvez modaliser au futur antérieur l'énonciation. Il n'en reste pas moins que la référence fait complètement fixée au fait que les enfants de l'humanité, les torsions, les fils, les nerfs, etc., tout ça c'est du réel. Et c'est du réel comme on en parle au présent et au passé composé, pas au futur antérieur. Donc le délire est une guérison à la condition que quelque chose d'un effet d'auteur s'y repère, au moment où quelqu'un est presque au bord de réussir à dire « voilà le délire que j'ai déliré ». Et d'être capable de le dire comme « voilà le rêve que j'ai rêvé ». Mais maintenant j'ai les yeux ouverts. Et maintenant je suis réveillé. Et c'est le fait de dire ça qui montre que j'ai les yeux ouverts. Eh bien, vous voyez, un délire, c'est quand le moment où quelqu'un peut arriver à dire il me semble que Schreber n'est pas loin de passer à ce point, c'est le délire que j'ai déliré. Et puis on nous aide ici à beaucoup à nouveau, parce qu'au fond, si le but d'une analyse, ou de quelque chose qui vaut analyse, comme écrire les mémoires de Schreber, c'est inventer une machine à penser ses pensées. Ce à quoi vous assistez ici, c'est l'invention d'une machine à se faire penser ses pensées. C'est ce que Bion appelle l'opposition K moins K. Dans la grille, il y a le côté K, puis vous avez une anti-grille qui est la même chose que la grille, n'est-ce pas ? Mais qu'il appelle moins K, sur une sorte de position négative, qui est justement pas ce qui se passe lorsque l'appareil psychique explosé, projeté au dehors en mille morceaux et revenant rapporté au délire, au délirant, n'est-ce pas, au psychotique, les morceaux de son appareil psychique, c'est-à-dire que c'est son œil qui vient du dehors, c'est sa propre pensée qui vient lui parler, etc. Du dehors, comme des objets bizarres, les voix hallucinatoires, les regards bizarres, les mouvements de mains obscènes des gens dans la rue, etc. Enfin, tout ce que nous connaissons dans l'éclatement schizoparanoïde de la folie. Lorsque justement tout cet éclatement-là s'est ordonné en produisant non pas une guérison, non pas K, non pas une grille qui fonctionne sur une position, mais moins K. C'est-à-dire quelque chose où véritablement ça pense les pensées. Sauf que ce dispositif, c'est un dispositif non pas par lequel le patient pense ses pensées, mais il se fait penser ses pensées. mais elles sont organisées, elles sont articulées les unes avec les autres. Il me semble que ce que Daniel Devrez a fait pour un bionien, c'est extrêmement significatif, parce qu'il en capte quelque chose dans sa lecture. C'est ce sentiment que le psychotique qui est en train de guérir, que tout ce qu'il pense lui vient de la langue elle-même. Que c'est dans la langue, que c'est dans la culture, que c'est dans le monde symbolique dans lequel il... Ça lui vient de ça. C'est à découvert dehors. Voyez ? Et ce qui peut... Alors, chez, évidemment, des génies de la littérature comme Joyce, ou tout ce que, des formes que vous connaissez, pas d'ailleurs nécessairement avec une écriture invraisemblablement sophistiquée, ça peut être aussi des écritures très parfaites qui produisent... Tu parlais de Pessoa. Pessoa me semble exactement un exemple. On a l'impression que ça tout lui vient du portugais. Hein, c'est-à-dire que ça devient complètement flippant, paraît-il, quand on lit le portugais, parce que c'est un usage de la langue. Il n'y a rien de plus portugais, et en même temps, le nombre de constructions, de mots étranges qui peut se trouver, de la couleur d'ensemble, est absolument invraisemblable chez Fernando Pessoa. Et alors... Par certains moments, comme chez Pessoa, par exemple, pas chez Joyce, mais chez Pessoa, K et moins K deviennent complètement indistinguables. C'est tellement la langue qui parle que, comme vous savez, vous ne le savez peut-être pas, un des trucs qu'on a reproché à Pessoa, mais qu'il faut bien comprendre, c'est que les ultranationalistes, là, les fous salazaristes qui ont gouverné le Portugal avec une sorte de mystique de le sébastianisme du Portugal, etc. Il a publié donc le Messagem, hein, ce fameux poème, qui était considéré comme l'expression la plus radicale du cœur et de l'essence de la nation portugaise. Il a reçu un prix pour ce truc-là, délivré par les fascistes qui gouvernaient le Portugal. Un peu comme si on avait récompensé Joyce pour avoir véritablement produit dans la langue anglaise ou en irlandais l'esprit incréé de sa race. Hein, comme il y a là vraiment une sorte d'affinité à l'esprit radical de la langue qui, au moment où une psychose perd ses qualités, sa présentation explosée et persécutive, au moment où ça se rassemble, vous vous trouvez devant votre langue, dans la bouche du psychotique, comme une machine qui lui fait penser à se faire penser ses pensées. Mmh. Votre langue, votre culture, etc. Et c'est ce que Daniel Devrez montre admirablement. C'est que là où il a profondément raison, Devrez, mais c'est exactement ce qui semble s'être passé. Le délire de Schreder, c'est l'expression tragique et pathétique de ce que c'est que la culture allemande chez la haute culture allemande, du type qui est capable de jouer des opéras de Wagner sur un piano et de citer de mémoire des kilomètres de Goethe, hein, sur ce mode-là. Bon. Alors, évidemment, l'exigence de la production psychotique du délire, hein, ce qui fait que ça va effectivement prendre cette forme-là, du délire guérison, c'est que ça ne peut que se confronter aux nervures ultimes du symbolique. Un autre exemple très célèbre, à mon avis, de l'identité de K et moins K, c'est Wittgenstein. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas parler si bien du langage. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas parler si bien du langage. On ne peut pas parler si bien du solipsisme. On ne peut pas montrer comment les jeux grammaticaux du langage s'articulent comme ça, les voir comme à découvert, en quelque sorte, comme et avoir une position existentielle où ça surgit. Je ne suis pas en train de dire qu'il est psychotique, je suis en train de dire justement que c'est un cas d'identité de K et moins K. C'est que ça, vous ne savez pas d'où c'est vu. Vous avez l'impression que c'est vu, c'est comme si quelqu'un, comme il le dit lui-même, comme si un martien regardait les hommes parler. C'est quoi ce truc là qui font, alors, nous on le dit avec les mots, mais c'est ah, il parle, c'est étonnant, vous avez vu comment ça marche. Et, alors il est bien, il le dit avec le langage, hein. Il le dit dans le langage, il l'écrit, hein, ce mode du fragment, de l'aperçu, de la discussion. Il parle à LW, il interpelle LW dans ses textes. Vous voyez, il y a cette espèce de jeu comme ça. Et la conséquence que ça a, là, qui est celle sur laquelle je voudrais avancer un peu, c'est la possibilité du psychanalyste psychotique. Puisque à partir du moment où cas et moins cas ne sont pas distinguables, le vrai enjeu de la fin du commentaire de Freud sur le cas Schreber, où il dit « l'histoire dira, on verra s'il y a autant de folie dans la psychanalyse qu'il y a dans le délire de Schreber, ou s'il n'y a pas une incroyable rationalité psychanalytique qui est dans le délire de Schreber, ou autant de folie dans la psychanalyse, etc. Hein, » c'est qu'il ne faut pas du tout aller réduire ça à une sorte de pirouette. C'est que si vous le prenez au pied de la lettre, ça veut dire qu'il n'est nullement exclu qu'on puisse être psychanalyste et psychotique. La seule nuance qui pourra apparaître, c'est que justement, le savoir psychanalytique fonctionnera en moins cas. Comme quelque chose où un psychanalyste se fait penser ses pensées. Et ça ressemblerait à quoi ? Ben, ce sont des gens, les psychanalystes psychotiques, qui ne peuvent plus ne plus croire à l'inconscient. Ce qu'ils auraient du mal à faire, c'est un peu comme Wittgenstein qui ne comprend pas comment les gens font des erreurs de logique aussi grotesques. Comme ça. Ce qu'il ne comprendrait pas, le psychanalyste psychotique, c'est les pauvres névrosés. Quoi. Enfin, vraiment, comment ils ne voient pas ? Hein, il ne voit pas que tout ça, ce sont des opérations de l'inconscient. Alors évidemment, il le paierait d'être la proie des effets de savoir de la psychanalyse, mais ce ne serait en aucune manière une carence technique ou éthique. Donc, vous voyez, on est en train là de dire des choses vertigineuses, c'est qu'il me semble que si on prend tout ça tout à fait au sérieux, la question de savoir s'il faut interdire aux gens qui sont psychotiques de devenir analystes, en train de perdre sa pertinence complètement. D'abord, et c'est pas parce qu'on sait qu'il y a des psychanalystes qui sont psychotiques, hein. C'est pas un point de fait. C'est véritablement une opération où le moins cas est tout aussi opératoire que cas. Il est juste pas disposé exactement de la même manière. Alors l'inconvénient, donc j'ai les deux inconvénients, mais enfin il faut bien qu'ils en aient quand même, les psychanalystes psychotiques, c'est que, bon, ils sont très connus, hein. C'est que si vous touchez à la théorie qui les fait penser, c'est comme si vous touchez à leur corps, hein, donc il faut y aller mollo, parce que c'est la régulation de la jouissance en eux, hein, que vous touchez, hein, quand, etc. Et puis d'autre part, ce sont vraiment des proies, hein, qui sont dévorées vivants par moins qu'un. Hein, c'est les proies du savoir psychanalytique. Mais il n'y a aucune espèce... Et vous savez, bon... ami Jean-Marc Berthomé qui a longtemps soutenu cette idée-là, hein, c'est que c'est très difficile de ne pas dire qu'il n'y a pas des traits de la mélancolie chez Lacan, par exemple. Hein. Il faudrait quand même un moment pas perdre de vue que cette manière de parler du langage, des gens, du sujet, etc., ce destin, ce parcours, etc., c'est quand même ce qu'on appelle la mélancolie dans la tradition de la culture occidentale, c'est-à-dire c'est le génie. Mais ce qu'on appelle le génie, c'est ça, cette espèce d'affinité avec la folie, qui est ce que Bion appelle le rapport entre cas et moins cas. Et je trouve que cette inversion est très subtile. J'avance et je vais vers ma conclusion, hein, je vous rassure. Pourquoi je présente les choses de cette manière-là ? Pour essayer, justement, puisqu'on en vient à Lacan, de desserrer... au bout de cette année de séminaire, l'étau dogmatique dans lequel, finalement, l'interprétation saturante que Lacan a donnée du cas Schreber, en l'articulant autour de cette paire mort du sujet transsexualisation, serait, au fond, quelque chose de générateur et d'universalisable. Ce serait, d'une part, l'endroit et l'envers du même processus, et une manière, enfin celle par laquelle moi je l'ai compris, l'articulation mort du sujet, transsexualisation, c'était ce qu'enseignait Marcel Schermak il y a 20 ans à Sainte-Anne, c'était qu'il y a un pôle hypochondriaque qui est celui de la mort du sujet, celui qui mène finalement dans le moment mélancolique, puis même la catatonie, tout le corps est bouffé, détruit, etc. Ça se tord, ça, c'est cette espèce d'hypocondrie gigantesque que fait Schreber, un très très long moment, n'est-ce pas? Et qui, bon, t'imagines, ils n'avaient pas de médicaments, c'est la surveillance permanente par les infirmiers, ça devait être horrible, hein, de souffrir de partout. Voyez, ça c'est quand même quelque chose de, au sens propre, voyez, pas au sens de la plainte hystérique, souffrir de partout. C'est ça auquel a été exposé Schreber. Et puis, comme faisait valoir Marcel Schermak, l'hypocondrie la pire, c'est l'hypocondrie de l'organe qui n'existe pas, c'est l'hypocondrie phallique. C'est quand c'est l'organe qui n'existe pas, mais qui fait que les organes sont organisés les uns par rapport aux autres pour produire un individu d'un sexe avec une vie qui a une limite, durée limitée, etc., c'est-à-dire le phallus, c'est quand cette hypocondrie phallique est là, présente, que vous avez le phénomène de transsexualisation. Le phénomène de transsexualisation, c'est l'envers de l'hypocondrie. Et la jointure entre transsexualisation et mort du sujet, c'est le passage de l'hypocondrie à l'hypocondrie phallique. Dès que vous avez l'hypocondrie phallique, vous basculez dans la problématique de la transsexualisation. La jouissance du corps, donc dans sa face négative, avoir mal de partout. Bon. Et puis, la jouissance du corps dans sa forme positive, où Schreber se positionne non seulement comme la femme qui manque à Dieu, mais comme la femme qui manque à Dieu pour être la mère de l'humanité nouvelle. Il manque rien, hein, là, quand vous êtes ça, hein, bon, on peut dire que c'est un succès. Alors, dans le schéma qu'il développe, dans les années 50, et qui est un schéma qui se retrouve à l'identique, c'est vraiment dans l'analyse du petit Hans. Le lieu crucial, c'est quand le réel de la jouissance, alors le pénis du petit Hans, et ici la question de la fécondité du père, hein, de lui-même comme père, fait venir en face, quand il faut devenir l'autre de l'autre, c'est-à-dire un père, par rapport à son propre père et devant ses enfants. Un magistrat promu, qui en plus s'appelle un mot sénat, hein, c'est un mot qui est formé sur vieillard, les pères conscrits, les sénateurs, c'est des pater, c'est un père conscrit, comme on dit en latin, un juge, des juges, puisqu'au fond c'est une cour d'appel dans laquelle qui va être appelé à présider, et même une cour d'appel très importante à Dresde, etc. C'est-à-dire toutes les figures dans lesquelles il vous faut vous confronter à cette position d'être l'autre de votre autre. Bon. La normalité phallique consiste à dire qu'il n'y a que la castration symbolique qui vous permet d'avoir quelque chose qui y ressemble, hein, quelque chose qui y ressemble, qui vous permet de vous aventurer dans cette zone-là, mais avec un prix très particulier, c'est que la castration symbolique implique une sorte de changement de statut du phallique. Le phallique doit devenir symbolique. Ça n'est jamais en tant que réel que vous pouvez être l'autre de l'autre. C'est la grande différence, vous rappelez entre la dialectique chez Hegel et celle chez Lacan. Hein. L'autre de l'autre, là où fait boum, n'est pas un dépassement. C'est quelque chose, quand il y a cette espèce de sursomption, de relève, comme on traduit quelquefois chez Lacan, c'est un passage au symbolique où c'est en tant que symbole et à la condition que un certain symbole vous soit offert, que vous pouvez pratiquer cette opération et venir devenir l'autre de l'autre sous un certain rapport et à condition d'en avoir un mandat symbolique. Ça m'a énormément frappé. C'est exactement le même raisonnement avec le père de Hans dans le séminaire de l'année suivante. Il faut qu'il y ait un père réel qui vous introduise à cette dimension-là et qui puisse suppléer à ce qui ici fait défaut, qui puisse apporter l'élément qui fait défaut. Alors, ce qui se passe dans le dispositif schrébérien, c'est que justement, le nom du père, le père symbolique, est fort clos, alors qu'il est présent dans le cas du petit Hans, c'est-à-dire qu'il va faire une phobie. Dans le cas de Schreber, il est fort clos. Le père réel n'a pas mis en place, ce n'est pas cette instance qui, comme ça, au hasard, parce qu'il y a une dimension d'étrangeté, de contingence, de bizarrerie, quoi. Le père réel qui permet que l'enfant soit psychotique, ça peut être toutes sortes de choses qui sont tout à fait bizarres et qui font la bizarrerie du surmoi et des symptômes de chacun. Ce père réel est tout sauf normativement. Il introduit un ordre normativement de la sexualité, mais il l'introduit au prix que chacun d'entre nous se retrouve avec un surmoi, au déclin de son concept d'Œdipe, son complexe d'Œdipe, et avec des symptômes qui sont complètement exotiques et incomparables. Ça, c'est l'entrée dans la névrose et la normalité. Ce qui se passe chez Schreber, dans ce rapport de l'autre, c'est que le point où soustrait à toute jouissance, qui est indiqué par un vide, par un manque absolu, et dont le père est le garant, a fait défaut. Alors, une fois que j'ai rappelé ces lignes générales de l'argument de Lacan, qui pourrait s'appliquer mutatis mutandis à sa lecture du petit Hans. Je pense même que tout ce que je raconte ce soir, ça ne devrait pas seulement vous inciter à aller dans le séminaire 3, mais le 4. Ça pose le problème suivant. C'est que toute cette construction-là, elle repose sur la possibilité d'étaler l'affaire du président Schreber sur le fameux schéma L, dans lequel on voit très bien comment le président Schreber se trouve confronté, appelé à devenir lui-même juge des juges, appelé à devenir père devant le père, etc., et se retrouve totalement démuni dans cette conjecture symbolique et produit l'immense délire qui est le sien. Ça donne les moyens de penser cette cristallisation comme quelque chose qui se passe dans la psychose. Et la plupart des lacaniens que je connais, sauf peut-être Hadouche, ont pensé que si ça vaut pour la psychose, ça veut dire la même chose que ça vaut pour toute psychose. Autrement dit, que c'est une généralité qui peut, au fond, donner une clé d'interprétation de n'importe quelle psychose. Je ne suis pas sûr que Lacan a dit un truc comme ça. Ça veut dire que dans toute psychose, vous allez trouver mort du sujet et transsexualisation. Si tout cela repose sur, comme je vous rappelle ce que j'ai dit il y a pratiquement 2 heures, je suis désolé, c'est un peu long, mais l'argument est le suivant. Si tout ceci repose sur la signifiantisation des éléments, si la possibilité d'étaler le cas dans ce système-là repose sur ce fait choisi qu'on va signifiantiser les éléments, que tout est lié au fait choisi de cette signifiantisation, alors il y a un horizon plus vaste qui se produit. C'est que l'articulation mort du sujet transsexualisation pourrait être beaucoup plus contingente, beaucoup moins contraignante. Elle pourrait être effectivement un trait de la psychose, oui, mais pas de toutes les psychoses. Et il se pourrait qu'on puisse attraper dans certaines psychoses autre chose que cette articulation mort du sujet transsexualisation. Ce qui veut dire notamment que, mais ce sera ma conclusion, que par exemple, transsexualisation n'égale pas nécessairement mort du sujet, et mort du sujet n'égale pas nécessairement transsexualisation, comme on en discutait la ville d'Evrard pendant les journées qu'on a faites. Pour moi, ce n'est pas un fait empirique que dans toute psychose, il y a hypochondrie. Alors si vous êtes lacanien, c'est très très difficile de ne pas repérer, même fugitivement, comme ça, dans un déclenchement psychotique, une dimension hypochondriaque. Vous savez, même les gens qui font des petites psychoses qui se referment, genre délire des sensitifs de Kretschmer, etc., ça commence toujours par « j'ai le dos coincé », c'est le dos, c'est... torticolis qui passent plus. Vous voyez ces espèces de petites dimensions-là, les rhumatologues regardent, ils palpent, ils ne trouvent rien. Hein, et bon, ensuite, ça fait. Hein, même des trucs qui se referment, comme le délire de sensitif de Kretschmer, hein, qui est un truc où il reste, où il y a une dimension phallique qui subsiste, c'est clairement. C'est souvent des gens qui sortent de leur psychose avec des espèces de cicatrisations religieuses. Il y avait plein de, dans les milieux Lubavitch, par exemple, il y avait des tas de gens qui étaient des kretschmériens cicatrisés. Hein, c'est très impressionnant. Hein. Mais c'est tout à fait ça reste phallique par une dimension tout à fait étonnante. Bon, même si ces gens-là, vous avez la note hypochondriaque. Cet horizon plus vaste auquel je pense, c'est l'horizon des transformations de la mélancolie. Et la possibilité que notre époque, ait quelque chose à dire de la mélancolie. Ce que Lacan isole comme nodal et comme nécessaire, finalement, dans cette articulation transsexualisation-mort du sujet, hein, la mort du sujet comme transsexualisation, serait finalement un moment fragile, et pas un moment structural, mais une solution possible que Schreber a essayé de négocier. Or cela, eh ben je crois qu'on le sait parce qu'on a les notes d'hospitalisation de Schreber en 1908. Qu'est-ce qui va se passer quand il rechute, quand il fait cette immense rechute terrible de 1907 et qu'il repart, les descriptions des gens qui ne connaissent pas le président Schreber sont très amoureux. On le voit en chemise devant un miroir faire des grimaces. Très manifestement, Schreber essaye à nouveau de retrouver quelque chose de la solution transsexualiste, ce qui par là montre qu'elle ne peut pas être une contrainte structurelle, cette solution structurelle. Elle est quelque chose qu'il a goupillé avec génie pour être le sujet de son délire, dans son délire. Mais voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'effondre dans une mélancolie stuporeuse, de plus en plus profonde, et ses derniers mots, sur un papier griffonné, on en a la photographie, sont « bin ewig verdammt ». Le « ich » a été enlevé, c'est-à-dire « suis damné à jamais ».« Bin ewig verdammt », 13 novembre 1910, et il va mourir en avril, je crois, après n'avoir plus jamais ouvert la bouche. Je conclue cette séance et cette année sur les points suivants. Hein, c'est que une chose, par exemple, sur laquelle je suis tout à fait prêt à manger mon chapeau, j'ai déjà mangé plusieurs fois, donc c'est assez facile, c'est que j'ai écrit un bouquin sur le transsexualisme dont une des conclusions, enfin, c'était une prémisse, donc c'est difficile de dire que c'était une conclusion, c'était que ce que raconte Lacan sur le transsexualisme, c'est quand même probablement vrai. Et que donc, ce que je pensais, c'est qu'au fond, le transsexuel, c'est Schreber redivivus, sauf qu'il n'y a pas tout le bruit, le vacarme, les hallucinations, etc. Mais que fondamentalement, quelqu'un qui va demander aujourd'hui des opérations, un truc comme ça, c'est un psychotique comme Schreber. Eh bien, j'en suis plus du tout sûr. J'en suis plus du tout sûr, non pas simplement au sens sociologique où le transsexualisme est devenu un attracteur symptomatique pour des tas de choses extrêmement différentes, mais c'est parce que j'aurais très peur qu'on manque là d'autres processus en jeu, d'autres manières de guérir le délire, d'autres manières de construire des formes de subjectivité, avec cette particularité quand même extrêmement impressionnante dans le transsexualisme, le transgenérisme contemporain, c'est qu'on peut quand même considérer que les gens qui font ça, un certain nombre d'entre eux se haussent aux normes ultimes du monde symbolique, et ils les discutent. Les théories du genre, entre les mains de quelques personnes, effectivement, de talent, c'est absolument stupéfiant. C'est vraiment une interrogation sur les nœuds ultimes de la vie, du corps, de la sexuation, de la mort, etc. Bon. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une opération de discours qui sait évidemment de se valider comme de la métaphysique, mais ça on s'en fiche, mais c'est une opération de discours dont la puissance montre bien qu'il y a là des processus qui sont particuliers, qui sont autonomes. Et dont je ne crains pas de dire que c'est la mélancolie moderne. C'est pas pour rien que quelqu'un comme Butler, par exemple, parle de la mélancolie du genre. C'est parce que le genre est l'espace à l'intérieur duquel quelque chose de notre mélancolie, qui est fort différente de celle de Durer, ou de l'English Malady, de Chain, ou des choses comme ça, hein, est en jeu. Donc ça, c'est un premier point clinique que je voulais quand même dire. Je ne soutiendrai plus l'idée que le transsexualisme, c'est la chose au sens de ce que j'ai écrit dans La métamorphose impensable. La deuxième chose, c'est la question que je me pose, c'est à quoi reconnaît-on une psychose depuis le début de l'année ? Eh bien, je l'ai transformée de la manière suivante. Je pense qu'en fait, à quoi reconnaît-on une psychose ? C'est une question qui est posée aux psychanalystes sous la forme suivante, c'est quel fait choisi ? Quel fait faut-il choisir dans le paysage contemporain des transformations de la mélancolie pour construire cette notion de psychose, notion comme à une certaine époque on l'a construit sous le mode de l'aliénation, de la maladie mentale, des choses comme ça. Il y a une ressource là psychanalytique entièrement à explorer. Et ce que j'appelle ici la mélancolie, et pourquoi je le circonscris à la culture qui est la seule auquel on a accès, hein, qui est la nôtre, hein, on peut rêver d'avoir accès à celle des autres, mais on ne peut pas avoir accès comme ça au chinois, au japonais, à l'hindi, tout ça. C'est parce que la mélancolie, c'est dans notre culture le processus qui civilise le mal. Le mal, la seule manière de le rendre civilisé, hein, c'est de faire une mélancolie. Ça, c'est quelque chose d'absolument radical. C'est pour ça que c'est vraiment un fil rouge de toute la culture occidentale, n'est-ce pas, la discussion de la mélancolie. C'est que le pire, le négatif, la pulsion de mort, tout ce qu'il n'y a qu'un seul endroit où on réussit même à en dire quelque chose, où ça ressemble presque à de la pensée, où ça devient à la limite, au plus près de des pulsions de vie, c'est dans la mélancolie. Ensuite, c'est le cadavre en bas de la fenêtre parce que les gens se sont suicidés. Donc ceux-là, ils ne sont plus dans la culture, ils ne sont plus dans le... Voilà, ils sont défenestrés. Alors ce que j'aimerais vous faire sentir, c'est que ça ouvre en fait un immense espace de possible. C'est de parler en termes de faits choisis de ces choses-là. C'est-à-dire de dire que dans la mélancolie contemporaine, il n'est pas évident, bien que je n'ai aucune idée... de ce que sont ces possibles invisibles qui seraient des alternatives aux faits choisis dont parle ici Lacan, mais c'est que ce n'est pas, nous ne sommes pas voués psychanalytiquement à retrouver toujours le même type de dispositif que celui qu'il y a dans Schreber. Et moi j'aimerais bien que des gens comme ça s'intéressent à des manières de faire, d'autres textes. J'avais parlé de Berbiguet de Terre-Neuve-du-Tain, là, du traité des Farfadets, c'est en français, hein, paranoïa. Ou ce que fait Jean-Marc Berthomé sur Rousseau, par exemple, d'essayer d'attraper par d'autres faits choisis la construction de ce dispositif mélancolique, parce qu'au fond, c'est ça auquel la psychanalyse devrait pouvoir se consacrer. Il est bien certain que ce que je vous appelle ici l'autel des morts, c'est une image de ce à quoi devrait pouvoir servir une figure de la première expansion de ce fait choisi quand ça devient une manière de comprendre ce qui se passe dans une psychose. Ça produit un hôtel des morts, mais il est bien certain qu'un hôtel des morts chez Judith Butler, ça fonctionne absolument pas, hein. Avec quand elle écrit sur ses copains qui sont morts du sida par exemple, ça fonctionne absolument pas comme chez Henry James. Ce qui me conduit, et je termine là-dessus, à ce que je ferai l'an prochain. Parce que l'année prochaine, en octobre, va sortir donc, le premier volume de mon livre, sur lequel je travaille depuis 10 ans, hein, sur l'histoire des obsessions et des contraintes intérieures, qui est une tentative de saisir, au fond, alors le premier volume va de l'Antiquité jusqu'à Freud, de saisir ce que c'est que ce processus propre à la civilisation occidentale qui a civilisé le mal, civilisé le négatif, la pulsion de mort, etc., sous la figure de la culpabilité, du remords, allant jusqu'au délire, hein, de l'auto-persécution, de l'auto-reproche, etc., en produisant tout autour ce gigantesque délire qu'est la théologie dogmatique du péché, hein, depuis Saint-Augustin, par exemple, ce dispositif qui est notre culture, hein, et dans lequel c'est assez difficile de voir la différence entre, vous savez, quelqu'un qui s'auto-accuse parce que c'est Ignace de Loyola, et qui passe 40 jours à se confesser à Manresse, etc., qui descend jusque dans son enfance à aller scruter les couches et les sous-couches de la mémoire pour aller extraire les fautes les plus véniels, etc., pour exposer son intimité dans ce processus de ce qu'on appelle la confession générale, qui va être formalisée par des théologiens, etc., qui va produire tout un monde où des femmes, des milliers, des dizaines de milliers de femmes au XVIIe siècle, des milieux bourgeois, de la noblesse d'Europe, vont entrer dans cet esprit de ce qu'on appelle le scrupule, et créer comme un phénomène de masse, un phénomène social, l'obsession. Bon. Donc j'ai travaillé sur ça, j'ai travaillé sur donc la lecture d'Augustin, sur l'invention de l'obsession au XVIIe siècle, notamment chez les scrupuleuses, sur la façon dont les malaises ont été traités par la médecine romantique, comment l'angoisse est devenue des choses. Voilà. Je travaille beaucoup sur Kierkegaard, et j'arrive comme ça à la fin du volume, jusqu'à l'invention de la névrose obsessionnelle chez Freud, avec une provocation, n'est-ce pas ? C'est qu'en fait, ce qui est intéressant chez Freud, c'est pas du tout l'hystérie, c'est la névrose obsessionnelle. Hein. Il faut croire Freud, hein, quand il dit que ce qui est vraiment là où il y a du travail, c'est sur la névrose obsessionnelle, c'est pas sur l'hystérie. Donc, ce processus que j'essaie de décrire, c'est une tentative d'approcher par un autre biais que celui du transsexualisme, la question de la civilisation du négatif, du mal, de la pulsion de mort, etc., qui est l'érection de la culpabilisation de l'individu comme organisateur de la vie sociale et psychique de tous les individus de notre culture, et comme étant le fil conducteur qui permet de penser les différentes transformations de ce que c'est que l'individu, de son moment d'émergence chez les chrétiens des premiers temps, jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'à l'époque romantique et jusqu'à l'individualisme triomphant d'avant la guerre de 14. Le deuxième volume, que je me propose d'écrire ou de discuter devant vous, parce qu'il faut que je l'écrive, hein, il faut que je l'écrive, mais le deuxième, il est encore en franchissine. Le deuxième volume va s'intéresser d'une part à la façon dont la psychanalyse n'est pas une théorie. Et mon aversion pour ça, c'est une réponse à la mélancolie. C'est-à-dire une manière de faire avec la civilisation du mal, avec le fait de civiliser le mal. Et d'entrer dans la fabrique la plus intime de l'individu en accompagnant ce processus de civilisation du mal, qu'il soit pervers, névrosé, psychotique, borderline, on n'en a rien à cirer. C'est ça le tout le reste, si vous voulez, c'est des accessoires théoriques, des disputes de chapelle. Le noyau, c'est ça. La psychanalyse comme une formation culturelle qui fait partie de ce processus. Et donc le deuxième volume, qui s'appellera « La fin des coupables », voudrait scruter le moment où cette économie de la culpabilité, de la mélancolie, cette économie sublime que vous trouvez dans l'Hôtel des Morts, par exemple, est devenue inintelligible, complètement inintelligible. C'est-à-dire le moment où l'économie morale du mal a cessé de reposer sur la culpabilité, la culpabilisation, etc. Qui est un moment que je date en gros des années 60. Hein. La dernière crise de culpabilité des Occidentaux, c'est la sortie des camps de la mort. Hein. Depuis, ils en sont guéris. Voilà. Vous êtes coupable, vous avez un cachet. Quoi. Vous faites une TCC, par exemple. Hein. C'est le moment où, par exemple, aussi, pour vous donner un truc qui m'a toujours paru totalement sidérant, le stress post-traumatique, c'est plus pour les gens qui sont les victimes, hein, c'est pour les tortionnaires. C'est la guerre du Vietnam. C'est que quand Rambo, hein, fait exploser tout le monde, c'est un stress post-traumatique majeur. Quoi. Il a des cauchemars, il faut le soigner. Hein. Donc on soigne les tortionnaires comme on soigne. Ça, c'est vraiment aussi un des moments où vous vous apercevez que quand le traumatisme psychique n'est plus du côté de la victime, mais du côté du bourreau, et que c'est, ça indifférencie la victime et le bourreau du point de vue de la rationalité médicale, c'est qu'il fait passer quelque chose, semble-t-il, dans le, quelque chose de discret, de silencieux, mais on, vous voyez, c'est une mutation anthropologique. Eh bien, j'essaie d'accompagner ça d'un travail sur le moment où les gens ont commencé à se dire, mais nos névroses et obsessionnelles, la psychanalyse ne fait rien pour eux. Rien. C'est totalement inefficace. Il y a quelque chose dans ce qui marchait dans la psychanalyse qui ne marche pas, qui ne marche plus avec la névrose obsessionnelle. Et comment les gens ont inventé des thérapies comportementales, cognitives, etc., pour traiter dans un autre registre anthropologique les choses. Et ce sera pour moi une manière de dire, dans ce cas-là, si nous n'avons plus ce repère d'une densité culturelle et civilisationnelle extraordinaire qu'est la mélancolie, l'histoire de la mélancolie, dont la névrose obsessionnelle, la fille, c'est l'articulation névrose obsessionnelle mélancolie, c'est la dernière grande production psychologique occidentale chez Freud qui articule les deux. Si nous n'avons plus ça, nous avons quoi? C'est quoi l'économie du mal, l'économie du pire dans, et quelles sont les formes de la mélancolie moderne? Est-ce que, j'ai cité les inventions de ce qui tourne autour du genre, du transsexualisme, etc. J'aimerais travailler sur des choses moins spectaculaires, plus ordinaires, qui sont les souffrances psychiques plus répandues, dans lesquelles, au fond, ouais, l'angoisse, c'est affreux, la culpabilité, c'est terrible, il en faut, mais pas trop, alors on va la doser, voyez. Et au lieu d'être des expériences de vérité, ça devienne des variables ajustables pour être bien, pour être fonctionnel, par exemple. Dès le moment où vous vous privez du ressort de la culpabilité, du remords, de l'obsession, etc., pour gérer le mal, où vient-il se loger? Que fait-il? Merci. Bon, il est tard. Quelqu'un veut poser quand même une question ou faire une remarque? Un jour, Sass, quand il était dans la journée de 100 ans, ça m'a rappelé ça, il disait que Wittgenstein avait honte de sa manière, de sa pensée, de son approche. Peut-être ce que vous avez dit, K, moins K, quoi. Ça lui... Est-ce que c'est pas discriminant par rapport à Schreber, ce sentiment de honte qu'il avait aux difficultés? Je sais pas. Ça, c'est tout à fait réel dans les carnets pendant la guerre, là, quand il est avec les autres au front. C'est la honte, la honte. La... Et on ne me fera pas croire que c'est la masturbation ou l'homosexualité prétendue de Wittgenstein. Non, c'est une honte. C'est une honte ontologique. Il faut lire les recueils des journaux, des pensées là, qui sont publiés dans ces Culture and Vanity. Je ne sais pas comment c'est en français. J'en parlais avec Nicolas Dicèze, là, dans lequel il y a notamment la préface qu'il avait prévue pour les recherches philosophiques, là, les Philosophische Untersuchungen. Qui est un texte très aride, très sec, etc. La préface qu'il avait prévu d'écrire, c'est un texte d'une virulence lyrique anti-moderne, complètement incroyable. C'est vraiment un texte, la détestation de la modernité. Ça, le ton, le style, rien ne ressemble. Vous dites, mais c'est pas possible, Wittgenstein, c'est le même auteur qui écrit ces deux choses-là. C'est tout à fait étonnant. J'arrive pas à me rappeler du titre de ce recueil, il a été retraduit en Garnier Flammarion. Ça me revient. Donc je pense que c'est. Il faut lire Wittgenstein comme ça, avec cette espèce de. Et sortir de l'idée de sa question de savoir si c'est psychotique ou pas. Bien sûr que non.